Quel est l'enfant d'enculé qui a cagué l'humanité? Faut dire qu'il s'est fait plaisir, s'est appliqué pour farcir dans nos corps les malheureux, tous ces petits penchants vicieux. Franchement, c'était pas la peine de créer l'espèce obscène, encore moins de m'envoyer au beau milieu de la mêlée. Fallait pas me donner le même sang que cette courte de gland. Je ne voulais rien partager avec ces dégénérés. Cette armée d'égoïstes, pourriture esclavagiste. Et pourtant c'est pas facile de pas rentrer dans la file. J'ai souvent la tentation de lentement virer vieux con. Quelle idée de nos bourrés, de bêtises, de préjugés. Je sais d'où vient cette odeur, la pourriture de nos cœurs. Quelle ordure est venue pondre des bestioles la plus immonde. Celle qui bousille à peu près tout ce qui lui est étranger. Les animaux, les enfants, les femmes et les innocents, victimes des mâles imbéciles et de leurs idées débiles, qui ont fait de ma patrie une véritable porcherie. Mais le pire c'est que bien trop souvent, j'observe de vilains penchants dans ma propre carapace, quelques idées dégueulasses, vicieuses ou criminelles, toutes mes pulsions ne sont pas belles. J'ai bien tenté de les refouler, mais sans Dieu ce n'est pas aisé.